Les Dépravés, chapitre 24. La même Esther est importante à déployer, pour les obsèques de la jeune fille qui était venue mourir chez elle, un luxe d'autant moins dispendieux que les 1 000 francs dont Geneviève ne s'était pas relevée en firent tous les frais. Elle alla chercher des camarades qu'elle avait perdus de vue depuis des lustres pour leur adresser des lettres de faire-part, assister en grand deuil et se composer des figures renversées à l'enterrement de gens qu'elles connaissent à peine, est une des coquetteries des femmes suspectes. Le rappel battu par Esther fut donc entendu dans tous les quartiers où se logeait une femelle envieuse d'établir qu'elle avait une religion, un cœur et une robe noire. De sorte que celle qui, sa courte vie durant, avait été la pudeur même et dont l'innocence foncière avait résisté à toutes les conversations de magasin, subit cette suprême dégradation d'être accompagnée au cimetière par tout ce que Paris recelait de Traviata, de ballets rôtis et de mauvaises samaritaines. Carbonel le parrain conduisait le deuil. En tête des pleureuses marchait Esther, les yeux pochés de pleurs. « Cette pauvre petite chatte, disait-elle à tous et à chacun, je l'aimais comme ma fille. » Ses 53 ans n'étaient pas fâchés de laisser supposer qu'il pouvait avoir une fille qui n'en comptait pas plus de 17. Au retour de la cérémonie, dans les divers restaurants où on se dispersa pour déjeuner, on convint, une forte majorité, que si Esther avait été tout ce qu'on voudra, elle n'en possédait pas moins un cœur d'or. Dans le dictionnaire de morale comparé qu'elles ont composé pour leur usage, et un peu pour le nôtre, les aventurières parisiennes ont donné à certains mots une signification psychologique inconnue des anciens. Elles peuvent lancer du vitriol à la figure de leur rival et porter leur progéniture aux enfants trouvés, sans cesser d'avoir un cœur d'or. Il fut donc convenu que celui d'Esther avait été fondu dans ce précieux métal. Elle avait d'ailleurs accrédité de son mieux cette légende en achetant pour Geneviève une concession de 5 années et en déposant sur sa fosse une gigantesque couronne d'immortels où s'enroulait cette inscription à ma filleule. Le seul des complices du crime qui manquait à l'enterrement de la fille d'Ahmed Ben Bessaoud, Caïd de Bénis Massen, est le docteur Ouzelot. Il était parti la veille pour la capitale de la chrétienté avec des intentions peu chrétiennes. Il se fit conduire en débarquant chez l'évêque in partibus de Sumatra, via Santo Pietro. L'immeuble habité par ce dignitaire d'église était une grande maison meublée, où descendaient presque tous les personnages importants de l'épiscopat italien, lorsqu'il venait à Rome apporter au pape les consolations et les deniers dont celui-ci prétendait constamment avoir besoin. C'est dans cette hôtellerie de haute fréquentation que Frédéric avait ingénieusement fait transporter Max 15 jours avant sa mort. Le docteur trouva la Pizaref en grand deuil, au milieu d'une véritable cour de Monsignorie, qu'elle édifiait par la sincérité de son désespoir. Frédéric l'accueillit avec la distinction de manière que comportait la nouvelle société qu'elle s'était créée récemment. Car la même femme qui parle argot dans une maison s'épuise dans une autre en imparfait du subjonctif. Le père de Max ignorait à quelle cause précise il devait attribuer l'obstination de cette veuve consolable à lui refuser le corps de son fils. L'appareil funèbre dont elle lui parut entourer le fit hésiter sur la forme à donner à sa réclamation. Après tout, se dit-il, elle s'était peut-être sérieusement éprise de mon pauvre Max. Le cœur humain est plein de ces sortes de mystères. Il s'aboucha à ce sujet avec l'évêque Aniceto, que Frédéric semblait considérer comme son directeur le plus spirituel et avec qui elle eut soin de le laisser seul un instant. « Prenez toutes les précautions oratoires imaginables, » dit le prêtre au docteur. « Dès qu'un mot lui rappelle votre malheureux fils, elle est prise d'une crise de nerfs. » Ces renseignements plongèrent le docteur dans la dernière perplexité. Il se laissa gagner par une demi-sympathie pour cette femme, dont la douleur allait jusqu'à lui disputer le corps qui était venu chercher. Cependant, il lui fallait son fils, et quand il se vit en tête-à-tête avec Frédéric, il lui déclara avec fermeté qu'il était décidé à tout tenter pour le prendre. « Je respecte vos souvenirs, » ajouta-t-il, dans le but d'atténuer l'effet de ses exigences. « J'ai pu constater votre désintéressement quand vous avez sacrifié si allègrement le prix du service que nous vous avions demandé. Mais enfin, vous ne pouvez avoir la prétention de faire valoir un testament, évidemment tracé sous le coup d'une exaltation qui le rend nul de plein droit. La place de mon fils est marquée auprès de sa mère. Je ne vous interdirai certes pas d'aller prier sur la tombe de Max. Je vous y accompagnerai si vous le voulez. Monsieur, répondit Frédéric, vous vous méprenez sur la validité du legs de mon cher Maximilien. Nous ne sommes pas ici en France, mais en Italie, mais à Rome, où on n'aime pas beaucoup les Parisiens, surtout quand, comme vous, ils passent pour libéraux. En outre, vous avez déjà pu voir que j'ai eu la précaution de le conduire ici, où les prêtres règnent et gouvernent. Le jour où vous m'attaqueriez, j'aurai tout le clergé pour moi. De plus, Max convaincu, à tort peut-être, mais enfin convaincu que vous étiez hostile à notre amour, a glissé, malgré moi, dans la rédaction de son testament, un alinéa dont la lecture ne vous causerait aucun plaisir le jour où vous me forceriez à le publier. « Comment, madame ?» s'écria Ousselot, stupéfait de ce changement d'attitude. « Vous avez songé à de pareilles combinaisons et vous prétendez que vous aimiez mon fils ?»« Je l'aimais ou je ne l'aimais pas, c'est mon affaire, » répliqua Frédéric, impatienté de voir la tournure que prenait la négociation. « Vous n'aimiez pas ?»« Mais, dame, eh bien alors que voulez-vous faire son cadavre ?»« Je n'aimais pas le promener dans toutes les capitales de l'Europe, bien sûr. » « En ce cas, rendez-le-moi » s'écria Ousselot, entrevoyant avec effroi quelques profanations douloureuses. « Vous rendre comme ça, pour rien, ce que j'ai eu tant de peine à me faire donner ?»« Ah, la misérable !» fit Ousselot, en se levant d'un bond. « Elle a tué mon fils et maintenant, elle veut me vendre ses restes. »« Docteur, pas de mauvaise farce, » dit la petite rêve. « Max est mort, tout seul, et en m'appelant son cher trésor, s'il vous plaît. » Il savait que s'il me laissait sa fortune, on me chercherait des chicanes et que je n'en verrais jamais un rouge liard. C'est pourquoi il m'a légué le seul gage d'amour dont il fut permis de me gratifier. Ces choses-là n'arriveraient pas si tous, tant que vous êtes, vous n'étiez pas la mauvaise foi incarnée. Il y a des lois pour tout le monde, excepté pour nous. Il est tout simple que nous cherchions à tirer notre épingle du jeu par tous les moyens possibles. Si vous m'en aviez laissé d'autres, je ne me serais probablement pas servi de celui-là. Le père de Max, muet de dégoût, n'avait aucune envie de discuter avec Frédéric les torts plus ou moins sérieux que la société pouvait avoir envers les femmes tombées. Sa seule préoccupation était de liquider promptement ce compte sinistre. « Combien voulez-vous » demanda-t-il. « Voilà 4 mois que je perds mon temps, » répondit-elle. « Malgré tout, un peu honteuse de son cynisme, soyez persuadé que si je n'avais pas été forcé d'engager mes dernières bagues, assez, assez, apprenez-moi seulement quel est votre chiffre. » Frédéric lâcha 80 000, ému et suppliant, qui semblait dire « Mon Dieu, pourvu qu'il ne trouve pas ça trop cher, s'il allait me laisser ma momie sur les bras, que deviendrais-je ? » Le docteur se contenta de lui répondre « Vous pouvez vous rendre chez M. Goldsmith, banquier, Via del Corso, qui vous comptera 80 000 francs contre la remise du corps. Faites en sorte que tout soit terminé ce soir. Je pars demain. » Cette Artémise, heureuse d'avoir si avantageusement négocié son mausole, n'était pas femme à perdre une minute. Le jour même, avant l'heure du spectacle, elle signait le reçu des 80 000 francs au banquier Goldsmith, qui lui signait à son tour un reçu du cadavre. Fin.